Ok, ok. Lusitania vibe. Mais sans motif, cousin. Toujours à le déployer. Tu connais 2010, hein. Darlings à Paname. En passant par Blois. Raconte nos vies toujours hostiles, c'est pour mes renégats. On déconne tous au tribunal, on sera tous relégables. Génération élevée aux grecs et aux édulcorants. Je crois qu'en ce que je vois, j'ignore ce que dit la Bible et j'ai pas lu le Coran. Pas mes 10 ans, mais disons, je m'en foutis. T'as parlé, je mets 10 ans quand le Dillon me rend tout triste. Je pète les caps solo. Frère, les bitures m'achèvent, ça cherche la pilule parfaite parce que le bitume m'harcèle. Esclave personne, je prends pas de risbette pour des sales raclos. Tôt ou tard, on s'en sort et je pèterai le galardo. C'est pour mon pote Ludo qui serait blindé si l'autoprod payait. T'inquiète, un jour. On viendra, on gagnera, on auto de gros billets. La vie t'en fait baver, tous à bout, tous jaloux. Nos rêves sont envolés, on finit sur la route secours. Les filles se coupent, les mecs se goûtent. Mais qui est respectable, tous en quête de secousse. Des sales vies au spectacle. Je me rappelle que jamais gron, parfois la vie ne m'inspire plus. Tu me check, mais t'as la main qui pue. Ma banque une pute qui voudrait m'assir plus. Je crèche à la campagne quand tu t'affiches en centre-ville. Faut vraiment être une merde. Pour regarder, décoche le ventre vide. Ta pute fait des boutiques, fais chier pour des broutilles. Va jusqu'à commettre l'adultère pour sortir de sa routine. A trop sucé, je connais certains qui dégueulent. Mais y'a rien d'amical si c'est de l'entente sportive de ton club de foot. T'es perspicace mais c'est banal un père qui se casse. On s'improvise pas voyou. C'est pas donné d'avoir une père qui se casse. Quand joue le dos on asthmatique comme un porcin. Plus de valeur les gens se marient pour être un peu moins imposable. Mon rap à la même gueule de Cyrano de Bergerac. En cas de coup dur tu sais même pas si ta môme t'hébergera. On choisit pas sa famille, on se trompe sur ses amis. Mais j'ai les pieds sur terre toujours à côté de mes Stan Smith. Comme dit Projet pas chauvi, des petites combines et des acomptes. On attend le décompte avant les cartons, parfois des gâtons. Bêtement et je raconte comment ton pays te fait toucher le parfum. C'est sans motif, je ris pas sur bitch qui claque au pile et méga gronde. Ça sort de la pénombre, attends la zone d'ombre. Parfois des gâtons, bêtement et je raconte comment ton pays te fait toucher le parfum. J'écris des rimes quand je vais toucher le fond du trou. Moi j'écoute pas police parce que j'aime pas le nom du groupe. Entre autres du coup, je suis de ceux qui ont raté leurs études. Anti-loi est écrit parce que l'état spécule. L'amitié vaut pas plus que la merde sur le pays. Dans ce monde capitaliste qui prône que le PQ. Mais une pointeuse au coin de ma rue, y'a un concours d'heures. Je fais partie de ceux qui galèrent pour accomplir leur but. Français, j'ai pas de deuxième pays ni de maison secondaire. Des parents qui passent pas 2000 même après 30 ans de carrière. Pète les barrières, condamnés à tricher. On passera du crime au meurtre, vital sans Patrick Jay. C'est ce à quoi on nous engraine, vision apocalyptique. Trop de galères, sale salaire, sorti du gros calipfis. Tu connais la suite, moi frérot mais je veux pas la vivre. T'as pas le choix poteau, un de nous sera baisé par la crime. Moi j'ai pas d'écoute donc je me contenterai d'une 407. Si j'arrête à la moindre critique, j'aurai l'air d'un gars sans sexe. Arrête de me sucer, ne t'inquiète pas, t'auras ta part de sperme. J'rappe pour les partenaires, j'écris mes textes avec une barre de vulnaire. Et entends s'il y a pas croqué si t'as les temps sensibles. Ne parle pas de Cayenne si tu détales en sens. Si j'ai une patrie, moi j'renie pas le patrimoine, tu frappes fort et fier quand tu tapes un gosse qui n'a pas 3 mois. J'trouve pas de plaisir à mettre un pif, touchez pas ça des nains. Les sautes, ma porte peu, j'aime pas faire des passes à des nains. Tu croyais quoi, toi? La violence, c'est l'Eldorado, armé d'un pic. Et d'un mic comme mon violon celle de droite gauche. Tu comptes savoir ne se trouve pas dans des encyclopédies. Tu pensais pas qu'on pèse le rap avec un aussi gros pénis. J'ai pensé mes textes et mes plaies, j'en ai vidé la pharmacie. Ça fait les tueurs en bande, mais de détiennent une arme assise. Comme dit Projet pas chauvi, des petites combines et des acomptes. On attend le décompte avant les cartons. Parfois des gâtons, bêtement et je raconte comment ton pays te fait toucher le parfum. C'est sans motif, je ris pas sur bitch qui claque on pile et méga gronde. Ça sort de la pénombre, attends la zone d'ombre. Parfois des gâtons, bêtement et je raconte comment ton pays te fait toucher le bas-fond.